Bienvenue à Aucun outil requis. Je m'appelle Jean-Philippe Charbonneau et au cours de l'année scolaire 2012-2013, François-Olivier Marchand et moi nous sommes partagés la co-animation de l'émission matinale Assemblage requis avec Mathieu Plante. Aucun outil requis est l'occasion pour nous de retourner en arrière afin de vous permettre d'entendre des chroniques que vous avez peut-être manquées. À chaque fois qu'on se rencontre, on choisit un sujet ou un chroniqueur qui sera en vedette pour l'heure au complet. Dans cet épisode, on se concentre sur Maxime Tanguay et ses chroniques de découverte musicale. C'est qui déjà ce band-là? J'en ai aucune idée. Attendez-vous à découvrir des groupes extraordinaires recommandés par un expert. Bonne émission! On accueille en studio. Oui. Un nouveau chroniqueur. Qui ça? Ce matin. Je le reconnais pas, je le replace pas. Il est nouveau? Ben oui. Ah ouais? Ben comme chroniqueur. Oh! Ah, OK. On entend sa voix. Mais hey, oui. Nerveuse voix. Maxime Tanguay. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est, dis-nous le nom de ta chronique avec une voix très, mettons... Sensual. Sensual. Oh, sensual. Oui. OK, t'as un peu, là. Mais c'est quoi ce band-là? J'en ai aucune idée. Salut Maxime Tanguay. Bonjour, hey, puis c'est le bon matin, il m'a demandé une voix sensuelle parce que match d'impro hier, on dirait que ma voix a pas aimé ce match-là. Ah non. Je suis vraiment désolé. Ça bien dit, j'ai aimé ça ce matin. Oui. Oui, t'as une belle voix. Ah ouais, ben merci. Ça, merci, merci. Tu nous renvoies pas le compliment. Mais vous avez toujours des... Ah, okay. Je pensais que c'était une on chose exige. Que c'était un non-dit. Je veux dire, tout le monde le sait, là, on peut plus... il s'en tire bien. Il s'en est bien, oui, bravo. Donc, Maxime Tanguay, on t'accueille à chaque semaine, comme ça, les mardis, à 7h30, pour une chronique sur les groupes indie ou indé, comme dirait iTunes. Indé. Ils disent ça, fait que ça doit se dire. Hein, ben, j'imagine, si YouTube le dit... iTunes. C'est, iTunes, pardon. iTunes, oui. C'est pour les Espagnols. Les Espagnols disent iTunes. iTunes. Tant qu'ils disent pas iTunes, parce que là, ça sentirait mauvais. Mais ça pour dire, oui. Donc, je vous présente un groupe de musique indie. Où, en même temps, indie, c'est quand même assez large dans la vie. Là, c'est... Moins pire qu'alternatif, mais quand même. Oui, c'est ça, quand même. Mais bon, c'est ça. Il y a ça peu peut près... en faire partie. Ben, ouais. Aussi. Oui, il parle des alternatifs indie. En tout cas, bref, tout ça pour dire que le premier groupe que j'ai décidé de vous présenter, c'est Minus the Bear. Donc, rapidement, une petite anecdote sur le nom du groupe. C'est un ami du groupe qui a eu une soirée, une date avec une jeune demoiselle. Et quand le groupe lui a demandé comment c'est allé, comment ça a été ta date et tout, lui a répondu, c'est un peu comme Bee Gees and the Bear, qui est une ancienne émission des années 70 aux États-Unis, si je pense que c'est un sitcom. Et lui a répondu, c'est un peu comme Bee Gees and the Bear, mais minus the bear. Sans l'eau. Donc, Bee Gees qui était, c'est ça. Je pensais qu'il avait dit que la fille, c'était une furry, tu sais. C'est ceux qui se déguisent en genre de gros costume de mascotte, là. C'est un fantasme sexuel de bien des gens. Pas moi, là. OK. Déguisé en ours. Pas toi, hein? Ou en écureuil, ou en... Non, OK. Et c'est vrai. Pour poursuivre avec le groupe, dans le fond, ça vient de Seattle, dans l'État du Washington. Et c'est un groupe qui a commencé en 2001 de faire de la bonne musique. Et c'est un groupe, comme je vous disais avant d'entrer en ondes, qui tombe souvent dans le crack de sofa. On dirait qu'il n'y a pas grand monde qui connaît Minus the Bear. Je comprends pas. Ils ont pourtant 5 albums. C'est tout le temps de très bonne musique qu'ils font. Mais peu de gens connaissent ça, donc malheureusement pour eux, mais on va essayer de changer ça dès ce matin. Donc, 5 membres dans ce groupe. Il y a un chanteur-guitariste, un autre guitariste, bassiste, drummer et un claviériste qui est quand même très important là, pour la signature musicale du groupe, qui flirte entre une espèce de rock, justement, un peu indie, un peu avec beaucoup de jeux de guitare, avec beaucoup d'effets, soit de pédales, soit de drôles de rythmique, et aussi un petit côté pop bonbon, qui est amené souvent par les claviers, qui vont avoir une sonorité justement plus... pas commerciale, mais plus accessible, plus justement... Mainstream. Mainstream, un peu plus pop. Et la voix aussi de Jake Snyder, qui est le chanteur, qui a tout le temps des mélodies un peu plus pop et qui a une voix très suave et très mielleuse, contrairement à moi ce matin. Et c'est un son qui s'est forgé de plus en plus. Au début, le premier album, qui est Highly Refined Pirates, qui est sorti en 2002, était beaucoup plus justement sur le côté rock du groupe, sur le côté, on voit la sonorité un peu froide qu'il y avait en studio, avec surtout justement toutes les dynamiques de guitare qu'ils ont. Et plus les albums vont avancer dans le temps, et plus ils vont raffiner un peu ça, jusqu'à arriver avec Infinity Overhead, qui est sorti il y a de ça peut-être 2-3 semaines, qui est leur cinquième album. C'est nouveau, là. Oui, le plus récent album est sorti il y a à peu près 2-3 semaines. C'est un bijou. Et c'est surtout un bijou, justement, au niveau du son, parce qu'eux réussissent, en dedans d'une chanson, à prendre de quoi qui est quand même très lourd, qui a des guitares pesantes, avec des. Souvent, justement, la chanson que j'ai apportée de cet album-là, il y a une espèce de wah-wah, un genre de pédale, qui fait wow, wow, wow, wow, wow. Et c'est quand même très lourd. Puis pendant le refrain, la chanson s'emballe, la guitare en arrière est complètement folle, mais... T'as des tapements de main. Ah oui, t'as, classique. Oui. Tout le reste est pop. Des doigts qui snap de main. Mais okay. Ça aurait été une bonne idée, mais malheureusement... Non. Opportunité ratée. T'es appelleras. Ouais. Mais non, c'est ça. Et tout l'enrobage est pop, mais, sauf la guitare. Et c'est une espèce de mélange qui est intéressant, qui va aller rejoindre quand même assez vaste dans le public. Là, qui pour, je veux dire, moi, j'adore ça. Et ma copine Alexandra, qui est très pop. Très, très pop. Adore ça aussi. Fait que c'est ça qui est intéressant okay. de Minus the Bear. Des paroles... parfois quétaine, on va le dire. Ouais. Il parle Jake Snyder parle souvent d'amour et pas nécessairement de la bonne façon pour certaines pièces, mais généralement, il peut aller chercher des choses qui sont quand même très, très songées, très profondes. Donc, Minus the Bear, Highly Refined Pirate, sorti en 2002, Menos el Ozo, qui est sorti en 2005, leur deuxième album, qui est en fait Minus the Bear, mais en espagnol. Ah, okay. Planet of Ice, qui est un bijou pour avoir dans une discothèque. C'est merveilleux comme album. Et c'est là qu'ils ont commencé vraiment à instaurer leur style un peu plus... de pencher vers les côtés plus électro, plus d'amener okay. des affaires un peu pop. Omni, qui a sorti en 2010, qui là était vraiment... Il y a même des gens qui n'ont pas aimé cet album-là tellement il exploitait plus justement le côté pop. Il l'a apporté à son extrême pour voir jusqu'où les gars pouvaient aller. Et finalement, Infinity Overhead, qui est la balance de tout ça et qui est l'aboutissement du groupe jusqu'à présent. Donc, le meilleur disque jusqu'à présent, Planet of Ice? Moi, je serais encore porté à dire What? Planet of Ice parce que c'est un bijou. C'est vraiment okay. un bon album. Du début à la fin, t'as des éléments justement rock, t'as des éléments pop, mais aussi t'as un élément à la fin qui est très progressif dans la dernière chanson qui va même s'emporter puis s'emballer, qui dure, je pense, 8 minutes, la chanson, qui ferme l'album. C'est merveilleux comme groupe. Mais en même temps, les albums sont quand même très typés chacun. Donc, c'est facile d'être déstabilisé quand même par ce groupe-là. Là. C'est ça okay. qui est intéressant. Super. Tu veux nous faire entendre quelques pièces? Oui, j'ai choisi trois pièces des albums impairs pour vous montrer comme la progression. Okay. Donc, on va entendre Monkey, Knife, Fight. Et les pauses que je prends, c'est des points d'exclamation qu'ils ont mis dans leur... Tu mets pas assez d'excitation là-dedans, par contre. OK. Monkey, Knife, Fight! Wow! Voilà. Donc, une autre anecdote rapidement. Le premier album, il y a des chansons, c'est les titres de chansons, c'est des citations du film Starship Troopers. OK. Vraiment. Mel Brooks, c'est un film de qui, ça, déjà? Je ne pourrais pas dire le réalisateur, mais c'est un film science-fiction, espace. C'est pas celui-là, c'est Spaceballs. Oui, exact. Mais non, c'est pas de la science-fiction. Pas une parodie, c'est vraiment un film sérieux, mais avec un petit côté américain de. Ah, dans le fond, il y a tout est léger dans la vie. Donc, Starship Trooper. La deuxième chanson qu'on va entendre, c'est tirée de Planet of Ice, qui est la chanson Knights, donc les chevaliers, qui va vous donner un peu l'aspect saccadé de jeu de guitare un peu particulier. Et finalement, Lonely Gun de Infinity Overhead, que je vous parlais de la chanson, parce qu'il y a une guitare un peu folle dans le refrain, mais avec tout le reste qui est pop. Donc, c'est ce que je vous propose pour découvrir le groupe Minus the Bear. On commence avec Monkey Knife Fight et on en reparle après avec Maxime Tanguay. J'en ai aucune indie. Indie. Tu dis plus indie. C'est une maladie de faire des jeux de mots. C'est une malindie? Malindie. Getting ahead, she said.

Quel préjugé. Dans des bureaux comme ça, de toute façon, c'est des ballons. On devrait mettre ça en studio. Ben, j'avoue. Ça ferait de la bonne radio. Encore, nanim. Oh. Ouais. Tout dépendant de la quantité de café que tu as pris le matin. Là, mais... ouais. Donc, trois pièces de Minus the Bear. Oui. Maxime Tanguay, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Excellent choix. Ouais. Ouais. Oui, exact. Je suis rassuré. On a déjà hâte à la semaine prochaine. Oh, parfait. Et surtout que ça va être bon. Ouais? Oh, yeah. Oh, oui. Okay. Oh, oui. C'est déjà ce que ça va être. Oui, en fait, ouais. Oui. Mais je vous le dis pas. Secret. Oui, secret d'État. Okay. Je l'ai mis dans une enveloppe chez nous, puis j'ai scellé ça, là, puis personne ne touche à ça. Avant de terminer, est-ce qu'on peut parler un petit peu d'impro? Bien sûr. Sachez qu'il y avait un match d'avant-goût hier, oui. Un match de boxe, en fait. Oui, en fait, on a décidé de rendre ça un peu éclectique, un peu inhabituel pour faire la promotion de la lutte. Et c'était on a reçu un joueur, donc les quatre capitaines de la lutte ont affronté François Laneuville, qui est un ancien joueur de la LIM, un joueur actif des anciens combattants au centre-ville. Et qui est en fait un des meilleurs joueurs qu'on peut avoir à Trois-Rivières. J'en fais son éloge, mais il le mérite. Et hier, comme mes prédictions l'ont prédit, finalement, on s'est fait planter. Bon. Assez solide, mais c'était vraiment intéressant. Je pense que le public a goûté à une impro qui était plus agressive, qui était inhabituelle pour la lutte, mais ils ont vu l'événement, ils ont vu c'était quoi, la chasse-galerie, l'ambiance, la dynamique et tout. Donc ça, c'était intéressant. Et si je peux me permettre, la semaine prochaine, 17-18 septembre, dans le fond, 19h à 21h, à la salle Rodolphe Mathieu, qui est dans le pavillon Michel Sarrazin, c'est le camp d'improvisation de la lutte. Donc, le camp de sélection où on va former les équipes, où on va sélectionner les joueurs. Et si jamais Mathieu Plante et François-Olivier Marchand veulent venir faire le camp et qu'après le camp, ils font « Ah, pas certain », vous pouvez avertir les capitaines et on offre la formation quand même gratuitement. Okay. Donc, si vous voulez vraiment juste avoir l'expérience d'impro, vous pouvez quand même vous pointer. Ouais, c'est bien ça. Bonne idée. Ouais, c'est... Bonne expérience. Ça, j'imagine qu'il faut être étudiant. Pas pour le camp. Mais pour être dans la ligue, effectivement, il faut être étudiant. Idéalement, disponible les lundis soirs, parce que sinon, c'est mieux. C'est ça, c'est un peu plate. J'imagine. Mais c'est ça. Puis, sinon, est-ce que vous pratiquez? Comment ça se passe, non? C'est libre à chaque équipe, en fait, de se pratiquer ou non. Moi, j'ai tendance à pas faire de pratique, tout simplement, j'ai pas le temps. Okay. Mais je sais que l'an passé, les Verts ont eu une coupe de pratique, quand même, une coupe de rencontres et tout. Ce qui les a menés en finale, pas avec la coupe, mais quand même. Okay. Mais de toute façon, avec Dave Bellé comme capitaine, c'est sûr que c'est difficile de gagner une coupe. Oh! Burn! Ça fait mal. Mais non, c'est ça, c'est au choix de l'équipe. Et il y a souvent des petites soirées. Là. C'est vraiment une ligue qui est très amicale. Contrairement, il y a beaucoup de ligues d'impro au Québec qui ont souvent la réputation d'avoir des clics, d'avoir... tu sais, c'est dur d'entrer dans la gang parce qu'on n'est pas leurs amis. Puis à la lutte, c'est pas vrai. À la lutte, il y a tellement un roulement intense de joueurs vu que des gens finissent leur bac, recommencent un autre ou... des nouveaux qui arrivent et tout, que c'est tout le temps la clique, c'est la ligue au complet. Fait que la minute vous êtes dans la ligue, vous êtes dans la clique automatiquement. Donc c'est vraiment très convivial, c'est très amusant. Au retour, d'autres chroniques de la part de nos précieux collaborateurs. Vous écoutez Aucun outil requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Retour à Aucun outil requis. Dans cette émission estivale, on rassemble chaque semaine quelques chroniques diffusées pendant l'année scolaire 2012 et 2013. N'oubliez pas que tout l'été, je co-anime Assemblage requis à la plage avec Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. C'est là que vous pourrez retrouver toutes nos chroniques originales. Allô? Maxime Tanguay! Hey! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Super. Oh, oui. T'es beau un matin. Hey, mais moins que vous autres, honnêtement. Là. Non. Wow. Ah non, mais je veux dire, moi, j'ai... Ben, prends le compliment, François, viens. Oui, mais... C'est non, mais c'est pas vrai, tu exagères la face. Ah non, mais vous êtes rayonnant. Moi, je dégage encore le gars qui s'est couché à 1h du matin. T'es écouté un petit peu. Ça, c'est... Sa marque de commerce. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai pas... C'est ce qui fait son charme. Je suis scanné avec mon peigne il y a à peu près 5 ans, puis... C'est jamais revenu. Je t'ai jamais pardonné. Non, c'est triste à voir. Ah, aujourd'hui, tu nous parles d'un groupe qui s'appelle Portugal The Man. Ben oui. Donc, je pense que c'est nécessaire de te faire dire le titre de ta chronique. Quand, comment, François, en tant que... Qu'un Portugais. Ah, OK. Ah, si bol. C'est ça? Ouais, c'était ça. T'as un peu... Et qu'est-ce que c'est, ce man-là? J'en ai aucune dire. Ah oh, ouais, oh, ouais. Vraiment aucune idée comment ça sonne. Hey! J'irai faire un tour au Brésil, vraiment, pour apprendre... pas au Portugal, au Brésil.

Qu'est-ce qui se passe?